fourmis agricoles. À la suite des fongicoles du sous-sol, n'oublions pas les jardinières aériennes. Ce sont de minimes fourmis appartenant à 5 ou 6 espèces différentes dont je crois inutile de vous dire les noms extravagants. Elles habitent principalement les rives de l'Amazone et construisent leur nid, rond comme des boules, à la bifurcation de 2 ou 3 branches. Il n'aurait rien de bien remarquable si elle ne les ensemençait d'épiphytes qui sont, comme on sait, de petites plantes qui semblent parasites sans l'être, aux gens desquels appartiennent beaucoup d'orchidées. Ces nids, nous dit Hull, qui les a spécialement étudiés, ressemblent à des éponges fleuries. Il soutient qu'il est impossible que les semences soient apportées par le vent ou par des oiseaux, car souvent ces jardins sont créés dans des endroits où l'on ne trouve aucun épiphyte, et du reste, ce genre spécial d'épiphyte ne prospère que dans un humus préparé par les Hatas. Autre preuve, quand on donne à celles-ci une baie provenant de leur plante favorite, elles en sucent le jus et plantent soigneusement le noyau dans leur nid. Elles les cultivent non point pour jouir de leur floraison, mais afin de consolider leur demeure par l'emmêlement chevelu des radicelles de ces pseudo-parasites. Grâce à elles, les boules d'humus qui leur servent de logis acquièrent une telle cohésion, une telle solidité, qu'elles résistent aux plus violentes pluies tropicales comme aux rayons du plus ardent soleil équatorial. Pour tout dire, ces dernières questions sont encore discutées et attendent de nouvelles observations. Mais la véritable fourmi agricole, c'est la fourmi appelée par erreur fourmi semeuse, qui est réellement une fourmi sarcleuse, la Popogo myrmex molefaciens du Texas et la Poponor mimex barbatus du Mexique. Je me rappelle en avoir admiré un nid dans une promenade que je fis une après-midi aux environs de Houston, au cours de mon voyage de la Nouvelle-Orléans à Los Angeles. Il ne faut pas la déranger, car son aiguillon instille un venin, encore mal connu, qui n'est pas l'acide formique, mais dont les effets sont très douloureux. Dans les plaines herbues, qu'envahissent de violentes et tenaces végétations, elles défrichent et dénudent, à grand travail, autour de leur nid, une aire circulaire d'où rayonnent vers la brousse des routes bien entretenues et sur laquelle elles ne tolèrent et ne cultivent qu'une seule espèce de graminée, l'Arista oliganta, appelée vulgairement riz de fourmi ou herbe à aiguilles. L'Insecum, qui le premier les observa, affirme qu'elle la sème, mais McCook, qui vint après lui, prétend que par d'incessants sarclages, elles se contentent d'exterminer autour de leurs céréales favorites toutes les autres plantes. Elles agissent comme de véritables pionniers, jardiniers, agriculteurs et avant tout bûcherons, car les grandes herbes subtropicales représentent pour ces minuscules insectes de gigantesques arbres dont elles attaquent la base à coups de scie et font ensuite basculer la tête sous leur poids. L'opinion de McCook est corroborée par Wheeler, qui, durant un séjour de 4 ans au Texas, eut l'occasion d'observer à loisir les fourmis en question et de découvrir la cause de l'erreur. Les molefaciens ne semblent pas prendre les mêmes précautions que nos moissonneuses d'Algérie et du sud de la France, afin d'endormir ou du moins de retarder le réveil des graines qu'elles emmagasinent. Quand, à la suite de quelques jours de pluie, ces graines se mettent à germer et menacent d'envahir et d'étouffer le nid, elles se hâtent de se débarrasser de celles qui ne sont plus utilisables et de les porter à une certaine distance parmi les déblais de la fourmilière où elles prennent racine et forment ces rizières qui avaient intrigué les premiers explorateurs. À ces fourmis agricoles ou jardinières, on pourrait en rattacher d'autres qui, sans rien cultiver, moissonnent et engrangent. Les fourmis des pays plus ou moins froids, contrairement à ce qu'on croit, ne font pas de provisions pour l'hiver qu'elles passent au fond de leur nid dans un engourdissement dont elles ne se réveillent qu'au printemps, c'est-à-dire au moment où elles retrouvent au dehors les vivres nécessaires. Mais d'autres espèces qui habitent les régions plus chaudes, où l'hiver, moins rigoureux mais improductif, ne les endort pas, prévoient l'avenir et prennent leurs précautions. Entre celles-ci, l'une des plus connues et des mieux étudiées est le Messor barbarus, qu'on rencontre dans le midi de la France et qui abonde en Algérie, où il est fort redouté. J.T. Moggridge, Esrich, Arthur Browns et Cornetz s'en sont occupés. Cette fourmi de grande taille accumule dans ses souterrains des graines de diverses plantes qu'elle ramasse sur le sol ou qu'elle récolte, à même les tiges ou pédoncules, soit en tordant ceux-ci, soit en les coupant ou en les sciant à l'aide du sécateur dentelé que forment ces mandibules. À l'entrée du nid fonctionne un sévère contrôle. Les apprentis ou les novices, qui apportent naïvement de menus cailloux, des débris de porcelaine ou des semences non comestibles, sont vivement rabroués et priés d'aller déposer ailleurs leurs petites erreurs. Je n'insisterai pas sur les drames qui se déroulent aux portes des couloirs quand il s'agit d'y introduire des glumes trop volumineuses ou un bout d'épi qui se met toujours en travers. C'est un spectacle qu'il est facile de s'offrir durant l'été entre Saint-Raphaël et Menton et qui, pour peu qu'on possède l'imagination qui le transpose à l'échelle humaine, en vaut bien d'autres que l'on vient chercher sur la Côte d'Azur. Ces graines entassées et parfois méthodiquement classées dans les greniers plus soigneusement cimentés que le reste de la fourmilière, mais durant la saison des pluies assez humides, comment les moissonneuses les empêchent-elles de germer ? C'est une question que les myrmécologues n'ont pas encore bien nettement résolue. Les uns prétendent qu'elles les portent, quand il est nécessaire, dans des sortes de séchoirs situés près de la surface du nid. D'autres soutiennent qu'elles leur font subir une préparation spéciale qui inhibe, sans la détruire, la faculté germinative, car elles se développent normalement lorsqu'on les sème hors de la fourmilière. D'autres enfin sont d'avis qu'elles rongent simplement les radicelles à mesure qu'elles se montrent et que c'est même cette espèce de maltage qui les rend assimilables. En tout cas, elles ne les consomment jamais telles quelles, mais les concassent, les broient, les malaxent et en font une pâte ou une bouillie semi-liquide. Généralement, des soldats spécialisés, des soldats à grosses têtes et à mandibules énormes, sont chargés de ce travail de boulangerie. À ce propos, et pour dire le mal comme le bien, il faut signaler une moissonneuse du genre Féidole, dont la cruauté et l'ingratitude révoltante, habituelles chez les termites et les abeilles, sont exceptionnelles dans le monde des fourmis. À la fin de la saison, quand ces malheureux meuniers mitrons sont devenus inutiles, le conseil secret de la cité les fait décapiter et jeter hors des murs, puis, au printemps suivant, ordonne aux femelles fécondées de leur créer des remplaçants.